الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، donc on continue le cours concernant التحذير من سب الصحابة، avertissement contre l'injure ou le fait d'insulter les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, qui est pris d'un écrit du grand savant le cheikh al-docteur Salih ibn Fawzan Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc le cheikh hafidhahullah nous dit, et il nous cite la parole de certains imams de la sunna qui ont écrit, qui ont compilé des recueils dans lesquels il y a la croyance, le dogme, la méthodologie, les fondements de base d'Ahl sunnati wal jama'a, de As-Salaf, du groupe sauvé, de la faction rescapée. Et depuis les premières époques de l'islam, et les grands imams et les ulama écrivent à ce sujet pour montrer la voie à entreprendre pour tout musulman qui cherche la droiture et la guider. Et dans les livres de hadith, les recueils de hadith, que ce soit Al-Muwatta, Al-Musnad, de l'imam Ahmed, Muwatta de l'imam Malik, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, les Sunan, Al-Ma'ajim, tous les ouvrages reconnus, les recueils depuis les premiers temps, il y a dedans, on y retrouve le chapitre qui s'intitule Al-I'tisam bis-Sunna, l'attachement à la Sunna, le suivi de la Sunna, de se cramponner à la Sunna. Et le terme Sunna, souvent il est employé pour dire la croyance et le dogme sur lequel il faut être, et le chemin à suivre, les règles et les fondements qui distinguent les gens de la vérité des gens de la déviance et du faux. Et certains parmi ces savants et ces imams ont même écrit et recueilli des livres à ce sujet précisément, hein, beaucoup d'ouvrages, comme à titre d'exemple Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, al-Sunnah de son fils Abdullah ibn l'imam Ahmed, Sharh al-Sunnah de l'imam Bahari, al-Sunnah de l'Muzani ibn Abi Zamani rahimallahu al-Jami'a. Beaucoup de livres qui sont écrits donc à ce sujet. Aussi al-Sharia de l'Ajurri, c'est un livre dans le même domaine. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة دل على كائي et plein d'autres ouvrages donc dans ce sujet. Al-Ibana l'Ibn Battah, اعتقاد السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني et plein d'autres qui ont écrit donc pour montrer le chemin à entreprendre et les fondements sur lesquels sont Ahl-Sunnah Rahimallah Rahimahumallah Ta'ala. Donc là il nous rapporte une citation de il dit قال الإمام المزني الشافعي رحمه الله في كتابه شرح السنة. Donc l'imam al-Muzani dans son livre شرح السنة صفحة 87 dans la page 87 ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, et il est rapporté, il est dit, le mérite, la vertu du successeur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, le véridique, as-siddiq, radiallahu anhu, il est le meilleur des gens après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est un point qui est cité dans les usul de Ahli Sunnati wal Jama'a, déjà la place des compagnons, le statut des compagnons chez Ahli Sunna, le comportement à avoir vis-à-vis d'eux, radiallahu anhum, ajma'in. Donc ce n'est pas un sujet à prendre à la légère, c'est un sujet très important, de sorte qu'il fait partie des fondements d'Ahli Sunnati wal Jama'a. Contrairement aux innovateurs, aux gens de la passion et de l'innovation qui vous inventent des fondements que jamais Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélés, ou alors ils prennent des sujets qui peuvent exister dans la religion, mais ils leur donnent une place qui est au-delà de la place qui leur est réservée. Ça, ce sont les gens de l'innovation. Et puis, ils enlèvent des fondements et des règles, car eux, les innovateurs, ne les considèrent pas comme des fondements. En agissant ainsi, ils font à l'encontre de ce sur quoi étaient les plus prédécesseurs. Et ils quittent la méthodologie et le chemin sur lequel étaient les plus prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. C'est pour cela que les gens de l'innovation ne voient pas la gravité de parler en mal d'un des compagnons ou de parler en mal des compagnons sous le prétexte de ce sont des hommes et nous sommes des hommes, on n'a pas le droit de diviniser les gens, ils peuvent même vous ramener des vraies phrases mais derrière c'est le mal qui est voulu. Al-Khawarij, les Kharijites et leurs héritiers de Tekfiriyyin, ils se cachent aussi derrière ce genre de propos. Le jugement appartient à Allah, c'est Allah qui juge, la loi appartient à Allah. C'est une vraie phrase, mais derrière cette phrase, c'est le mal qui se cache. Quand Ali radiallahu anhu a entendu cette phrase de leur part, il a dit radiallahu ta'ala anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. C'est une vraie parole, mais derrière c'est le mal qui est voulu. En se cachant derrière cette parole, donc ils ne voient pas le mal. C'est pour cela que lorsque le sujet de Sayyid Qutb a fait surface et que les ulama qui ont vérifié ce qui s'y trouve dans les écrits de Sayyid Qutb, certains n'ont pas vu la gravité. Hein? Jusqu'à même certains parmi eux vont dire « Bon, c'est vrai que ça ne se fait pas, je ne suis pas d'accord, mais voilà, ça ne va pas plus loin. » Wallahi billah. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas les fondements d'Ahl Sunnah, n'ont pas étudié les fondements d'Ahl Sunnah. Et c'est pour ça, comme le dit Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, de dire on s'en remet et on se réfère au Coran et à la Sunnah. En général, tous les musulmans disent cette phrase. Tout le monde se dit respecter le Coran et la Sunnah. Mais lorsque tu mets cette troisième condition, cette troisième partie, qui a toute son importance, c'est là où que tu vas voir que les innovateurs ne sont pas des bons suiveurs des pieux prédécesseurs. On prend le Coran et la Sunna, mais pas avec n'importe quelle compréhension, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Comme eux ont compris les textes, leur compréhension est la véritable compréhension. Comme le dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, si pour un verset coranique, il a été rapporté des pieux prédécesseurs deux explications, deux commentaires, il n'était pas permis d'en ramener un troisième. Il n'était pas permis, au nom de cette divergence qu'il y a eu, de ramener un troisième commentaire. Eux, ils ont divergé sur deux commentaires pour le verset, l'explication qui lui est donnée. Toi, tu n'as pas le droit de ramener. Et souvent, chez les frères musulmans, vous avez ce problème. Et vont vous ramener parfois des vrais récits, que dire quand ils vous ramènent des récits inventés et qu'ils inventent parfois eux-mêmes, ou l'établir, ou autre jama'a, quel que soit, pour vous, au final, vous dire, donc il n'y a pas de problème à diverger. Ce n'est pas un souci. Regardez les premiers, comment ils ont divergé. Subhanallah. Déjà, vérifions cette divergence, si elle a existé, puis vérifions si c'était une divergence acceptable ou pas. Ce n'est pas toute divergence qui est acceptée. La divergence qui amène à contredire des textes, ce n'est pas une divergence acceptée. Lorsqu'il y a le texte, il n'y a plus d'effort de réflexion. On peut trouver des excuses à celui qui a dit telle ou telle opinion. Il se peut que le texte ne lui soit pas parvenu. Il se peut qu'il ait mal interprété le texte. Il se peut. On peut lui trouver. Surtout lorsque c'est une personne de bien, connue pour la droiture. Mais il a sa part d'erreur. Mais ce n'est pas toute divergence. Et si c'est une divergence qui est acceptée, il n'y a pas de souci. C'est un sujet sur lequel la divergence, elle est reconnue. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font, ces innovateurs et ces gens de la passion? Ils vous ramènent ces récits ou ces passages pour faire véhiculer et propager au sein de la communauté des positions, des opinions qui sont en contradiction avec l'islam. Subhanallah. En contradiction avec l'islam. Et ils vont vous ramener des opinions là où les premiers étaient unanimes. Vous voulez des exemples? Taïeb. La musique. Dans les premiers siècles de l'islam, les compagnons, les tabi'in, atba' tabi'in, les imams de la guidée et les savants de la sunna sont unanimes sur l'interdiction de la musique et des instruments de la musique. Puis plus tard, des siècles plus tard, on se retrouve face à des personnes l'autorisant. Qu'ils y émettent des conditions ou pas. Et puis aujourd'hui, vous en avez qui vont vous dire quoi? Il y a divergence. Une divergence après qu'il y avait le consensus. Taïeb, la barre, le port de la barre pour l'homme. Pour l'homme qui a la barre qui pousse. Maintenant, on est obligé de clarifier des choses. Parce que j'entends des choses, des fois, ça fait peur. Il y en a un, il a essayé de faire, je ne sais pas quel produit qu'il met ou des piqûres pour se faire pousser des poils. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il faut qu'il ait la barbe. La barbe pour celui qu'elle pousse. Celui qu'Allah ne lui a pas donné de barbe, il n'est pas concerné, subhanallah. Celui qui a les poils qui poussent, c'est lui qui est concerné par ce sujet. Quand on dit l'interdiction de raser, toi tu n'as pas besoin de raser, ne pousse pas la barbe, subhanallah. Et il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème. Allah ne t'a fait que tu n'aies pas de barbe sur ton visage, c'est comme ça. Il n'y a aucun problème, tu n'as commis aucun péché là-dessus. Subhanallah. L'essentiel, le sujet de la barbe. Dans les premiers siècles de l'islam, c'est unanime. Les savants de l'islam, les imams sont unanimes. C'est un sujet qui est clos, comme on dit. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Les textes sont clairs et les savants de l'islam ont suivi ces textes. Puis, on vit dans des époques où il y a certains qui vont dire sous tel ou tel prétexte pour autoriser le rasage ou de tailler la barbe. Et ils te disent quoi? Ouais, mais il y a divergence. Donc le mot divergence, ce n'est pas parce que vous l'entendez qu'il est accepté à tout va. Ce n'est pas vrai. Donc, le sujet des compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des mérites et des vertus des compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Et dans les livres de hadith, vous avez des chapitres spécialement concernant tous les compagnons, d'un point de vue général. Le chapitre de Fada'il al-Sahaba, les mérites et les vertus des compagnons. Et vous avez même l'imam Ahmed ibn Hanbal, alayhi rahmatullah, qui a un grand ouvrage que ce sujet. Un livre qui a été publié en deux volumes, avec le tahqiq de Cheikh Wasiullah Abbas, hafizahullah, qui s'intitule Fada'il al-Sahaba, l'imam Ahmed. L'imam Ahmed. Donc, des livres comme cela, c'est là il faut retourner pour connaître les mérites des compagnons, pour connaître un peu les compagnons de l'Allah anhum. Et non pas retourner à des livres d'innovation où sont mélangés dedans des récits mensongers, faibles, avec de l'authentique peut-être, mais qui est capable de pouvoir faire le tri de ces récits? Comme à titre d'exemple, le livre d'établir un de leurs maîtres qu'il a écrit « Hayat al-Sahaba », « La vie des compagnons ». Ça, ce n'est pas un bon livre. Les ulama de la sunna ont mis en garde contre ce livre. Pour tout le faux qui s'y trouve. Tout n'est pas authentique dedans. Et il y a beaucoup de récits inventés dedans. Donc ce n'est pas une référence dans le domaine. Donc, ceux qui veulent et qui sont intéressés, ils peuvent retourner dans les livres de hadith. Vous avez à l'intérieur des chapitres concernant les compagnons. Et vous avez à titre d'exemple, il y en a peut-être d'autres, le livre de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qui s'appelle Fada'il al-Sahaba, radiallahu ta'ala, anhum. Et puis, vous avez les mérites et les vertus concernant une catégorie de compagnons, ou un compagnon bien précis, radiallahu anhum, ajma'in. Et lorsqu'on parle des compagnons, ce sont les hommes et les femmes. Car le titre de compagnon n'est pas qu'aux hommes. Il est pour les hommes et pour les femmes. Et entre dedans dans les compagnons aussi, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que eux, en plus que d'être compagnons, ils sont proches parents. Ils sont de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont dans les mêmes conditions que tous les autres compagnons, en plus d'être de la famille, ils sont aussi compagnons. Donc lorsqu'on parle de compagnons, entre dedans les membres de la famille du prophète alayhi salatu wa salam qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en étant musulmans. Car ceux de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont vu, qui l'ont rencontré, mais qui n'étaient pas musulmans, ils n'ont pas le titre de compagnon. Et leur proche parenté ne leur sera d'aucun intérêt, d'aucun bénéfice, puisqu'ils sont restés dans la mécréance. Comme vous le savez, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa prophétie, il lui restait quatre oncles. Il avait des tantes, il avait beaucoup d'oncles, mais il en restait quatre. Il n'y en a que quatre qui ont assisté à la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deux se sont convertis et deux n'ont pas voulu se convertir. Les deux qui n'ont pas voulu se convertir, c'est Abu Talib, le père de Ali et de Ja'far, radiallahu anhuma, et l'autre c'est Abu Lahab, dont la sourate qui a été révélée à son sujet. Et les deux qui se sont convertis à l'islam, les deux oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Abbas et Hamza, radiallahu anhum. Tayyib. Donc, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhum. Donc, lui, c'est l'ami d'enfance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis tout jeune, ils se connaissent et ils sont amis. Ils ne sont pas loin en âge. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est un peu plus âgé que de peut-être de 2 ans plus âgé que qu'Abu Bakr. Et Abu Bakr, dès le début, dès qu'il a entendu la prophétie de Mohammed, il est entré dans l'islam. Et il a une place spéciale auprès du prophète, sallam, de sorte que lorsque le prophète sallam, a demandé aux compagnons de la Mecque de faire l'immigration, d'aller vers Médine, il n'a gardé avec lui qu'Abu Bakr. C'est le seul qui lui a tenu compagnie pendant l'émigration. Radiallahu anhu. Lorsque la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il y avait les maisons, les maisonnettes qui étaient collées au mur de la mosquée, et donc c'est ce qui faisait que les gens avaient un accès direct à la salle de prière. Ils avaient une porte d'accès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit que toutes les portes soient condamnées, soient fermées sauf celle de d'Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était malade et ne pouvait présider la prière, il a demandé qu'on demande à Abu Bakr al-Siddiq de présider la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié derrière Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu. Plein de signaux pour montrer aux compagnons déjà la place qu'il a, Abu Bakr al-Siddiq. Et donc les gens savaient que cette place réservée spécialement à Abu Bakr al-Siddiq. Et comme l'a bien dit le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, pourquoi on ne serait pas satisfait d'Abu Bakr comme dirigeant de la communauté alors que le prophète a été satisfait de lui pour diriger la prière? Donc, on ne va pas être satisfait de quelqu'un qui va nous diriger pour la vie de ce bas monde, alors que le prophète en a été satisfait pour diriger une adoration qui est la prière. Radiallahu anhu, ajma'in. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Donc, c'était clair pour les musulmans que c'est lui qui devra prendre le pouvoir après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque Omar radiallahu anhu a fait signe à Abu Bakr pour lui prêter allégeance, tous les musulmans ont suivi cela et il était donc le successeur du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est là le sens du terme khalifa. Khalifa, c'est succéder. Khalafa yakhlufu, c'est succéder, le successeur. Et Omar, on l'appelait Khalifatu Khalifati Rasulillah, le successeur du successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait le titre de successeur du prophète alayhi salatu wa sallam et il a gouverné pendant 2 ans. Il a gouverné pendant 2 ans et il est mort sur son lit radiallahu ta'ala anhu. Et avant de mourir, on le verra, il va désigner une personne pour lui succéder. Un seul nom, c'est Omar, radiallahu anhu. Donc, Abu Bakr est le meilleur homme après les prophètes. Après les prophètes, le meilleur homme, c'est Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. وَنُثَنِّي بَعْدَهُ بِالْفَارُوقِ Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Puis, le second, celui qui vient suivre en vertu, Abu Bakr al-Siddiq, c'est le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et là, comme titre, Al-Farouq, celui qui possède le discernement entre la vérité et le mensonge, entre la guidée et l'égarement. Et donc c'est le deuxième homme le plus important après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Donc après Abu Bakr, le meilleur des hommes, c'est Omar radiallahu anhu. Et Omar radiallahu anhu, son entrée dans l'islam, c'est suite à la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Omar n'a pas ne s'est pas converti dès le début. Il était même un fervent opposant contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une dua qu'un des deux, Omar, rentre dans l'islam. L'un c'est Omar ibn al-Khattab et l'autre il s'appelle Amr. Mais Amr et Omar c'est presque pareil, hein, c'est la même racine, ça se ressemble. Donc dans l'écriture, pour le différencier, on met un waouh. On écrit un waouh après Omar pour que celui qui le voit, il sait que c'est Amr et non pas Omar. C'est un waouh d'écriture, on ne le lit pas. Donc c'était Amr, c'est celui qu'ils appelaient Abu al-Hakam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Abu Jahl, le père de l'ignorance. Hein, c'était un des grands chefs de Quraysh, donc il s'appelait, et son prénom c'est Amr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua que l'un des deux Omar entre dans l'islam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a guidé le cœur de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et il fut un très grand défenseur de l'islam et des musulmans. Donc, il fut désigné par Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu pour le succéder. Fahuma wazira rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa dhaji'a fi qabrihi. Donc ils sont les deux ministres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont les deux qui dont les tombes sont proches de la sienne alayhi salatu wa salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et les prophètes, c'est une règle, on les enterre là où ils ont sont décédés, où ils sont morts. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce fait, il a été enterré dans la maison de Aïcha radiallahu anha, dont la maison qui donne sur la mosquée. Elle est collée à la mosquée. D'abord, lui, il n'y avait qu'un rideau qui séparait de la salle de prière. De la salle de prière. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith, vous connaissez, où il dit, entre ma demeure, la maison de Aïcha, radiallahu anha, et mon minbar, la chaire sur laquelle monte l'imam pour faire le khutbah, le discours, il y s'y trouve un jardin parmi les jardins du paradis. Et cet endroit, c'est connu dans la mosquée du prophète, on l'appelle Al-Rawda, le jardin. Hein? Donc entre sa demeure et le minbar. Parce que la demeure, elle est collée à la mosquée. Et ainsi étaient toutes les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque épouse avait une demeure. Chaque demeure, c'était une pièce. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un studio, un F1. Contrairement à certains, je ne sais pas comment ils font pour mal comprendre, c'est parce qu'ils ne se renseignent pas, ou alors ils sont mal intentionnés. Hein, certains qui veulent par exemple faire la polygamie, et ils ont compris des demeures que c'était des chambres. Donc il a un appartement, et il met une épouse par chambre. Ça, c'est... Il a fallu contacter des machaïrs, des ulama, pour qu'ils mettent un terme à cette mauvaise compréhension. Non, chaque épouse a là une demeure indépendante. Mais la demeure indépendante, c'était une seule pièce qu'il avait. C'était une seule pièce. Mais c'est inimaginable d'avoir un même endroit et que c'est une histoire de chambre. Donc il y a une porte centrale et chacun une chambre. Subhanallah. Et s'il y a les enfants, tu les mets où les enfants? Si chaque épouse n'a pas sa propre demeure indépendante. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension de certains. Et certains aiment suivre leur passion là où ils ne le voient pas. Que dire si c'est volontaire? Qu'Allah nous préserve de tout mal. L'essentiel. Donc Aïcha radiallahu anha n'habitait pas dans la mosquée. Et ça, alhamdoulilah, personne ne le dit. Ni les autres épouses radiallahu anhum. Et chacune habitait dans sa demeure. Mais la demeure était collée à la mosquée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas enterré dans la mosquée. Même si les gens essaient de faire croire, on ne voit pas la différence. Subhanallah. Non, cet endroit bien précis, c'est la demeure de Aïcha. Et le prophète n'est pas enterré dans la mosquée, il est enterré dans la maison de Aïcha. Lorsqu'Abu Bakr al-Siddiq il a la mort l'approche, il sent la mort arriver, il a demandé à Aïcha qu'il soit enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça lui a été accordé. Puis Omar radiallahu anhu, lorsqu'il a été poignardé radiallahu anhu par un perse, un mage adorateur du feu, qui est entré dans la salle de prière et qui a poignardé Omar en pleine prière. Et Omar mourra quelques jours plus tard. Donc il va demander cette faveur qui lui sera accordée. Et donc on a le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu à sa droite, on a Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Un peu à sa droite, on a Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ceux qui étaient les plus proches de lui, ces deux ministres à ses côtés, alayhi salatu wa salam, de son vivant, ils le sont aussi après leur mort. Et ces deux grands hommes, et d'où l'importance de savoir la place de ces hommes-là, sont les plus grands ennemis déclarés des Rawafid, Shia. Ils n'ont pas plus grand ennemi qu'Abu Bakr et Omar. C'est bien pour vous montrer que jamais ces gens-là ne cherchent d'une quelconque manière défendre l'islam. Ce n'est pas vrai. Ils participent et contribuent à la destruction de l'islam. Mais au nom de l'islam. Au nom de l'islam. Alors qu'ils en sont très loin. Et ces deux meilleurs hommes, parmi les compagnons, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ils sont dans, au même moment les deux beaux-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Abu Bakr a donné une de ses filles en mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Aïcha. Et Omar radiallahu anhu a donné une de ses filles en mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hafsa. Donc de ce fait, ils étaient les deux beaux-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc encore plus de liens qui se consolident. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. Puis le troisième, et là c'est dans l'ordre de préférence. L'ordre de préférence de ces hommes, c'est l'ordre qu'ils ont eu dans leur prise de pouvoir, chronologiquement. Le meilleur suivi du meilleur, Abu Bakr, Omar, alhamdoullah. Omar, puis le troisième, c'est Uthman. Radiallahu anhu. Uthman ibn Affan, ce grand homme, un homme qui était connu pour être un des plus riches de l'époque, un homme des plus généreux, qui a fait beaucoup de bien à l'islam et aux musulmans, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de pudeur envers lui, plus qu'envers les autres compagnons. Et lorsqu'on lui a fait la remarque, il dit, alayhi salatu wassalam, ne vais-je pas avoir de la pudeur envers un homme dont les anges ont de la pudeur? Les anges eux-mêmes, ils ont de la pudeur envers Uthman. Uthman, vous voyez, c'est trop tôt pour s'attaquer à lui. A'udhu billah. Et les frères musulmans défendent ces trop tôt et minimiser les dégâts de cet homme. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous préserve de tout égarement. Voilà où mène le sectarisme. Zinnourayn, l'homme qui possédait les deux lumières. Les deux lumières, ce sont les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné en mariage une de ses filles. Lorsque cette fille, radiallahu anha, est décédée, il lui en donna une deuxième en mariage. Donc cet homme dont les Rawafid, Shia, Sayyid Qutb et leurs semblables et leurs suiveurs, leurs adeptes prennent Uthman comme ennemi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le marie à ses propres filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ses mérites et de ses bienfaits, de ce grand homme qui est Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, il a gouverné pendant 10 ans. Il a gouverné pendant 10 ans. Et la capitale, c'était Médine. Ils étaient à Médine. Le prophète sallam a passé ses 10 dernières années à Médine. C'était la capitale de l'islam et des musulmans. Abu Bakr y est resté pendant 2 ans de règne. Omar de même pendant 10 ans de règne. Et Uthman va régner pendant 12 ans. Radiallahu anhu. Et Uthman, lui, il est devenu calife suite à la demande de Omar radiallahu anhu, qui a cité le nom de 6 personnes, de 6 compagnons. Il a dit que ces 6 hommes, ils forment le conseil. Et ils vont se concerter pour savoir lequel d'entre eux deviendra le calife. Et il en est sorti que c'était Uthman radiallahu ta'ala anhu. Il sera assassiné par des khawarij qui sont apparus, qui ont suivi l'appel de Abdullah ibn Saba, ce juif converti mensongèrement à l'islam, qui était un hypocrite, qui s'appelle Abdullah ibn Saba du Yémen, et qui a tout fait pour introduire le mal, la discorde et la destruction au sein de la communauté musulmane. Il a voyagé en Arabie, en Égypte, Fisham, en Syrie, dans tout endroit pour appeler les gens à se soulever, en montant sur Uthman, en prétextant que Uthman donne le pouvoir à sa famille, en prétextant des plein de choses, même en allant jusqu'à avoir des gens qui vont l'aider et qui vont écrire des faux messages avec des fausses signatures, prétexte en disant que c'est l'écriture de Uthman radiallahu anhu. Et il va trouver des gens qui vont l'écouter. Et un groupe de personnes se dirigera vers Médine pour encercler sa demeure et au final l'assassiner radiallahu anhu. À ce moment-là, Uthman a plus de 80 ans radiallahu anhu, un vieil homme. Et il était en train de lire le Coran, le Mushaf. C'est pour dire ces gens-là, les Khawarij, quel islam ils appellent? Quel islam? Hein, ils nous embêtent. Les Khawarij, je ne parle pas des savants qui parlent de sujets qui peuvent diverger sur des questions. Mais eux, lorsqu'ils rentrent dans des sujets, ce n'est pas ce sujet-là qui les intéresse. Ça commence par quoi? Est-ce que celui qui ne prie pas parmi les musulmans, est-ce qu'il est toujours musulman? Ou alors il a quitté l'islam? Ça commence comme ça. Est-ce qu'un musulman qui commet de la mécréance ou du polythéisme, est-ce qu'on l'excuse par son ignorance ou pas? Ils abordent ces sujets-là pas de la même manière que les gens de science. Mais eux, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Alors, ils vous prennent la tête avec l'histoire de la prière. Est-ce qu'il est musulman ou pas? Et ils optent pour l'opinion la plus dure dedans. Hein, qui est complètement, totalement, il est sorti de l'islam. Pour au final, on arrive à quoi? À tuer des gens en prière. Subhanallah. Non pas seulement s'en prendre à des gens qui ne prient pas, mais même à tuer des gens en prière. Subhanallah. Là, Uthman est en train de lire le Coran. Ils lui interdisent d'aller à la mosquée. Il ne pouvait plus, ils ont encerclé sa demeure. Pour ne pas qu'il y ait de troubles, Uthman est resté chez lui. Radiallahu anhu. Et il se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu seras touché par une épreuve. Et il savait qu'à un moment ou l'autre, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivera. Et que cette épreuve, elle arrive. Et dans le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec Abu Bakr, Omar et Uthman, les trois, ils sont sur la montagne de Uhud. Et Uhud se met à bouger, la montagne. Il secousse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Uhud, ô mont de Uhud, stabilise-toi, arrête-toi. Il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs. Subhanallah. Ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, c'est Abu Bakr. Et Abu Bakr ne sera pas assassiné. Il mourra sur son lit. Et deux martyrs, Omar fut assassiné et Uthman fut assassiné. Donc les sahaba savaient que ça devra arriver, puisque le prophète leur a dit, alayhi salatu wassalam. Donc, il l'empêche d'aller à la mosquée et il le voit en train de lire le Coran. Il a la barbe et les cheveux blancs. Aucun respect. Rien. Des gens sanguinaires, assoiffés par seulement de tuer les gens. Voilà ce qui les intéresse. Et leur histoire n'est basée et n'est faite que de ça. Que de tuerie et de massacre. Qu'Allah les élimine et les éloigne de la communauté. Quel islam ils ont défendu? Ils n'ont jamais défendu l'islam. À chaque fois qu'ils apparaissent, ils font freiner l'islam et les musulmans. Rien ne les empêche même de poser des bombes dans des mosquées. Là où les gens viennent prier. Et regardez. Ali, radiallahu anhu, il part pour faire la prière de l'Fajr. Il est assassiné alors qu'il va faire la prière. Des Khawarij qui veulent assassiner Amr ibn al-As et Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu majma'in. Ils vont les poignarder. Ils veulent les poignarder à quel moment? C'est lesquels les moments qu'ils choisissent? Pendant la salat. Pendant que les gens prient. Muawiyah, il a été touché par ce Khariji. Mais alhamdulillah, c'était, il n'a pas vraiment enfoncé. Donc, alhamdulillah, ça a été des blessures légères. Amr ibn al-As, il est tombé malade. Il n'a pas pu présider la prière. C'est quelqu'un qui l'a remplacé. Et celui qui l'a remplacé, il s'est fait assassiner. Parce que l'assassin croyait que c'était Amr qui préside la prière. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous préserve de tout égarement. Thumma بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. Puis le quatrième calife successeur, c'est l'homme de vertu et de piété Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, qui est le cousin direct du prophète صلى الله عليه وسلم, car leurs pères sont frères. Lui c'est le fils d'Abu Talib et le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم c'est le fils de Abdullah. Les deux sont les fils de Abd al-Muttalib. Donc c'est son cousin direct. Qu'Allah les agrée tous. Et Ali a gouverné pendant 5 ans. C'est ça? Hein? Khamsini. Pendant 5 ans, il a gouverné. Radiallahu anhu. Et lui, il est entré dans l'islam en tant qu'enfant. Donc il n'a pas connu le polythéisme. Il avait une dizaine d'années quand il est rentré dans l'islam. Il a été éduqué par le prophète alayhi salatu wassalam. Là, on vient de citer les quatre califes, les quatre premiers califes de l'islam, les califes qu'on appelle les califes bien guidés, al-khulafa al-rashidun. Et Uthman et Ali, eux, ce sont les gendres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les beaux-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque on a vu que Uthman a été marié à deux reprises aux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali a été marié à Fatima, la fille du prophète radiallahu anha. Et Ali radiallahu anhu, donc les sahaba radiallahu anhum qui avaient à son époque l'ont désigné comme le successeur de Uthman. Et ceux qui restaient parmi les gens de la bataille de Badr l'ont désigné aussi, et donc il est devenu le calife. Et il fut assassiné par ce grand khariji, Abdurrahman ibn Muljim. Et ce Abdurrahman ibn Muljim, il a participé aux batailles contre Ali, radiallahu anhu. Et il fait partie de ce petit nombre de khawarij qui ont survécu à la bataille et qui se sont réunis et ils ont juré de venger les morts parmi les Khawarij. Lui, il s'est dit, moi je m'occupe de Ali. Un autre, il a dit, moi je m'occupe de Muawiyah. Et le troisième a dit, moi je m'occupe de Amr. Donc L'un, lui, il est parti en Irak, Al-Kufa, car Ali, radiallahu anhu, a débuté son règne à Médine. Puis, il a déménagé la capitale, puisqu'il y a eu l'expansion des territoires de l'islam, et il a déménagé en Irak, dans la ville de Al-Kufa, qui fut à ce moment-là la capitale des musulmans. L'autre s'est dirigé vers Damas, en Syrie, pour assassiner Muawiya. Et le troisième, il s'est dirigé en Égypte pour assassiner Amr ibn al-As, radiallahu anhu, ajma'in. Donc Abd al-Rahman ibn Muljim, il était connu pour le Coran. C'était quelqu'un qui mémorisait, qui connaissait le Coran, et c'était un professeur de Coran. Et Amr, en personne, c'est lui qui l'a demandé, qui a demandé un professeur de Coran pour les enfants en Égypte, pour les jeunes en Égypte. Il l'a demandé au prince des croyants, le deuxième calife de l'islam, Omar, radiallahu anhu. Et Omar a dit, j'en ai un professeur ici, si ce n'était toi qui l'ai demandé, je ne l'aurais pas envoyé, je l'aurais gardé auprès de moi. C'est Abd al-Rahman ibn Muljim. Et il va lui envoyer, et il sera professeur de Coran en Égypte. De là, on comprend que ce n'est pas parce que quelqu'un lui a fait les éloges que cette éloge, elle reste à jamais. Elle reste tant que la personne est dans les conditions. Si elle sort de ces conditions, l'éloge n'a plus lieu d'être. Et les humains ne connaissent pas l'invisible, ne connaissent pas le futur, ne connaissent pas l'intérieur des gens. L'honnête parmi eux parle selon ce qu'il voit, ce qui lui apparaît, ce qu'il connaît. Et on ne peut pas lui imposer plus que cela. Et Omar, et qui est Omar? Il voit du bien en ce Abd al-Rahman. Donc il va en parler en bien. Et il va l'envoyer pour enseigner le Coran. Mais plus tard, cet homme-là devient une des plus mauvaises personnes. Pourquoi? Parce qu'il devient un khawarij. Et les khawarij sont parmi les plus mauvaises créatures. Le prophète a dit, leurs morts sont les pires des morts sous ce ciel. Ce sont les chiens des gens de l'enfer. Ça, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. En plus de cela, là où il croit qu'il a du mérite, il va assassiner un homme qui, à ce moment-là, c'est le meilleur homme qui marche sur terre. Il n'y a pas meilleur que lui. À ce moment-là, Ali, radiallahu anhu, est le meilleur homme sur terre. Et il l'assassine. Wal'iyadu billah. Donc, hein, parmi les erreurs de certains, ils vont te chercher des éloges pour un prêcheur, ou pour un chir, ou pour je ne sais qui. Mais lui, il a des tesquillas. Il a des éloges faites par tel savant. Taïf, tel savant lui a fait les éloges selon ce qu'il sait. Tu lui as demandé, il t'a répondu. Il ne connaît que du bien de lui. Il t'a dit ce qu'il sait. On ne peut pas lui imposer plus que cela. D'autres, s'ils savent autre chose, pourquoi rejeter leurs paroles? Subhanallah. Pourquoi rejeter leurs paroles? Ils ont des éléments que lui n'a pas. Et ce n'est en rien un dénigrement ou un rabaissement de ce savant. Qui d'entre nous dit que tel savant, il est infaillible? Ou qu'il connaît le raï? Personne. Donc pourquoi lorsqu'on en arrive à appliquer cette règle-là, les gens sont étonnés? Ils sont étonnés de quoi? D'apprendre que tel savant ne connaît pas le règne? Subhanallah. Donc il ne faut pas vous tromper. Hein? Il y a des gens, ils ont une belle... ils montrent une belle image, mais d'autres voient autre chose. Et il y en a, alhamdoulilah, c'est ce qui est demandé, d'être sur la droiture en tout moment. Alhamdoulilah. Mais il y en a, soit ils dévient après avoir été dans le droit chemin, et il y en a qui font de la comédie, qui apparaissent devant certains d'une manière qui va plaire, mais qui en réalité, ils cachent un grand mal et un grand danger. Mais alhamdoulilah, il y aura toujours, bidnillah tabaraka wa ta'ala, tôt ou tard, des personnes pour dévoiler le cas de cette personne. La comédie, elle dure une certaine période. Elle va s'arrêter, même si ça dure pendant des années. Mais elle va s'arrêter, à un moment. Taïeb. Donc là, on a les quatre califes bien guidés, radiallahu anhum, ajma'in. Thumma al-baqin min al-ashara. Puis, les quatre, après ces quatre califes bien guidés, il y a les suivants de la liste de 10, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités comme étant des gens du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, et dans l'ordre de préférence, les quatre premiers. Il cite Abu Bakr, fil Jannah, wa Omar, fil Jannah, wa Uthman, fil Jannah, wa Ali, fil Jannah. Donc il y cite les quatre. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Puis il cite les six derrière. Parmi eux, il y a, alors on va s'entraider, hein? Talha ibn Ubaidillah, Sa'd ibn Abi Waqas, Abdul Rahman ibn Auf, Abu Ubaida Amr ibn Jarrah, Az-Zubayr ibn Al-Awwam, il a été dit Sa'id ibn Zayd. Et le dernier, Sa'id ibn Zayd. Ça, c'est les six, hein, qui sont cités après les quatre califes bien guidés. ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. Les dix que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'ils sont au paradis. ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. Donc on a un amour sincère, véritable envers chacun d'entre eux, hein, selon le degré que le prophète sallam a donné dans le mérite et la vertu. Thumma lisa'iri ashabihi min ba'dihim radiyallahu anhum ajma'in. Puis on a cet amour sincère, véritable envers tous les autres compagnons après eux, radiyallahu anhum ajma'in. Wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasin a'malihim. Donc, et il est parlé, on cite leurs vertus, leurs bienfaits. Et aussi, on ne parle que de tout ce, le côté bien d'eux. وَنُمْسِكَ عَنِ الْخَوْضِ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Et on s'arrête sur les sujets de querelle ou problèmes qu'il aurait pu y avoir entre eux. On s'arrête, c'est-à-dire on n'entre pas dedans. On n'entre pas dedans. Il y a eu des choses qui se sont passées. Ils se sont passés comme peuvent se passer chez n'importe qui. Des problèmes, il peut en avoir partout. Des querelles, il peut en avoir partout. Pourquoi tu rentres dedans? En quoi ça te regarde? Comme on dit, de quoi je me mêle? Subhanallah. Et c'est ça. Et que dire lorsque ce sont des hommes vertueux? Mais ce sont des humains. Ils sont touchés par ce que touche tout humain. Donc tu n'as pas entré dedans. Mais les Shia, Khawarij, les Shia, Rawafid, les frères musulmans, ils aiment titiller. Ils aiment ramener à la surface ces sujets-là. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces sujets-là qu'eux ramènent? Il y a plein de choses mélangées dedans. Le vrai avec le faux. Et des récits mensongers et ainsi de suite. Et des interprétations et ainsi de suite. Subhanallah. Et après, ils se prennent pour des juges dans ces querelles. Qui leur a demandé d'être juge? Subhanallah. Donc, ça, l'islam nous apprend, on n'entre pas dedans. Vous avez vu la position de la sunna? Eh bien, regardez qui la respecte et qui ne la respecte pas. Et ça, les ulama de la sunna, les imams, ramènent ces points-là. Voilà comment on se comporte. De ne pas entrer dedans. Il s'est passé ce qui s'est passé. On sait et on est convaincu qu'ils ont tous fait un effort de réflexion. Chacun cherchait le bien. Après, il y a celui qui l'a atteint, celui qui ne l'a pas atteint, mais au minimum, tout le monde est récompensé. L'un par une récompense et l'autre par deux récompenses. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أعمالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم. Ils sont les meilleurs parmi les habitants de la terre après le prophète. ارتضاهم الله سبحانه وتعالى لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه. Allah les a agréés pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam et il en a fait des secoureurs de sa religion. فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. Ils sont les imams, les élites de la religion et les grands hommes, les grands personnages parmi les musulmans, qu'Allah les agrée tous. انتهى. Ici s'arrête la parole de l'imam al-Muzani al-Shafi'i رحمه الله تعالى. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أهل السنة. Encore un autre imam d'Ahl al-Sunnah qui a un recueil dans ce sujet, le sujet des fondements d'Ahl al-Sunnah. Abu Bakr al-Ismaili, dans son livre I'tiqad Ahl al-Sunnah, fi safhat 50, dans la page 50, wa ma ba'daha, et les pages suivantes. Wa yuthbituna khilafata Abi Bakr radiyallahu anhu ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi ikhtiyar as-sahaba iyyah. Et ils reconnaissent et ils affirment le califat et l'autorité d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un choix de tous les compagnons. Ils ont accepté et choisi Abu Bakr comme étant leur gouverneur. Thumma khilafatu Umar radhiyallahu anhu. Puis le califat de Umar ba'da Abi Bakr radhiyallahu anhu. Après le califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. باستخلاف أبي بكر إياه. Du fait qu'Abu Bakr l'a désigné. Abu Bakr l'a désigné comme étant son successeur. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عند أمر عمر. Puis, ils reconnaissent et ils affirment le califat de عثمان بن عفان رضي الله عنه après que les personnes du conseil, les ceux qui ont été désignés, les six, par Omar d'Al-An, se sont réunis pour désigner le successeur. Et sous ordre de Omar, avant de décéder, il leur a dit c'est les six qui vont décider qui sera le calife. Et c'était Uthman qui a été désigné, radiallahu anhu. ثم خلافة علي radiallahu anhu ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل ابن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. Donc puis il y a eu Ali radiallahu anhu, le califat de Ali radiallahu anhu, après qu'il y a eu le pacte d'allégeance qui a été fait et surtout par les compagnons qui ont participé à la bataille de Badr, qu'il y avait encore à ce moment-là parmi eux Ammar ibn Yasir radiallahu anhu et Sahl ibn Hanif radiallahu anhu et ceux qui sont les autres compagnons après eux. Et surtout vu l'historique dans lequel on y voit, on y retrouve la vertu et les bienfaits de Uthman radiallahu anhu et qu'il a précédé beaucoup de personnes dans ce bien. ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم. Et aussi ils voient et ils affirment les mérites des compagnons qui ont reçu l'agrément et la satisfaction d'Allah عز وجل, ceux pour lesquels Allah تبارك وتعالى a dit لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Certes, dans le sens du verset, certes Allah a agréé, a été satisfait des croyants qui t'ont porté allégeance, qui t'ont prêté allégeance sous l'arbre. Donc ça c'était pendant l'Hudaybiyya, c'était en l'an 6 de l'Hégire, lorsque les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sortis en état de sacralisation pour accomplir une umrah. et arrivés à l'endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyya, ils se sont arrêtés et ils ont mis le campement. C'est là où il y aura le pacte de paix. Sulhu Al-Hudaybiyya, c'était en l'an 6 de l'Hégire. Et pendant qu'ils étaient là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Uthman vers la Mecque ou un autre endroit, et des bruits couraient comme quoi Uthman a été assassiné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été attristé. Et les compagnons sont venus lui le réconforter et lui faire à nouveau le pacte d'allégeance qu'ils sont avec lui et qu'ils resteront avec lui. Et donc ils ont fait ce pacte d'allégeance à ce moment-là sous l'arbre. C'était un arbre, ils se retrouvaient là. Mais les soufis, ils aiment ces choses-là. Eux, ils cherchent toujours un endroit, un arbre, un objet sur quoi s'accrocher. Et c'est pour cela que Omar, lorsqu'il a vu des hommes pendant son califat s'arrêter à cet endroit, parce que il y a l'histoire de cet arbre-là, il a demandé qu'on arrache l'arbre. Pourquoi ? Pour fermer cette porte, la porte de tout attachement à une créature qui va amener quoi ? Au polythéisme. Donc ça, c'est une crainte. Pour fermer cette porte-là, il ordonnera qu'on arrache cet arbre-là. Donc sous cet arbre-là, ils ont prêté allégeance. Et Abu Sa'id ibn al-Khudri, radiallahu anhu, qui a participé à cette pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit on était ce jour-là 1400. Le nombre. On était 1400 ce jour-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset. Donc, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. وقوله صلى قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Et donc, et le verset dans lequel Allah nous dit dans le sens du verset, et les premiers, les prédécesseurs parmi les émigrés, muhajirin, les musulmans de la Mecque, et al-Ansar, les auxiliaires, ceux qui ont prêté secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux muhajirin, ce sont les musulmans de Médine, et ceux qui les ont suivis convenablement, Allah est satisfait d'eux. وَمَنْ أَثْبَتَ اللَّهُ رِضَاهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُجِبُ سَخَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite qu'il a été satisfait de certaines personnes, ceci nous prouve que plus jamais il ne sera en colère après eux. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a été satisfait d'eux, mais Allah connaît tout. Rien n'échappe à la science d'Allah Azza wa Jal, et il sait que ce sont des gens qui resteront dans le bien. وَلَمْ يُجِبْ ذَلِكَ لِلْتَابِعِينَ إِلَّا بِشَرْطِ الْإِحْسَانِ. Et les tabi'in, la génération qui vient après les compagnons, ils n'auront droit à cette satisfaction qu'avec une condition, qui est le suivi dans la bienfaisance, le suivi convenable des compagnons, des muhajirin et des ansar. Voilà. Eux, les muhajirin ansar, Allah est satisfait d'eux. Ils sont cités dans le Coran. Et ceux qui viennent après, ils ne pourront y avoir droit que si ils viennent avec cette condition, qui est le suivi convenable. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَنْ كَانَ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَمْ يَأْتِ بِالْإِحْسَانِ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ. Donc quiconque viendrait parmi la génération suivante, mais qui n'a pas suivi convenablement les compagnons, il n'a pas le droit à ce statut d'être dans la satisfaction d'Allah عَزَّ وَجَلْ. وَمَنْ غَاضَهُ مَكَانَهُ مِنَ اللَّهِ فَهُوَ مَخُوفٌ عَلَيْهِ مَا لَا شَيْءَ أَعْظَمْ مِنْهُ يَعْنِ الْكُفُرُ. Et celui qui a un problème avec les compagnons, une rancœur envers eux, un dégoût des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, alors celui-là, on craint pour lui. On a la peur de ce qui adviendra de cette personne. Déjà, il n'aura pas le droit de la satisfaction d'Allah, Azza wa Jal, mais bien pire, qu'il tombe dans la mécréance. qu'il tombe dans la mécréance. لقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Donc le verset, c'est le dernier verset de la sourate Al-Fath. Donc Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux envers entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort, sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux, c'est-à-dire les croyants, remplit de dépit les mécréants. Donc n'a de dépit envers les compagnons que des personnes qui ne sont pas musulmans, subhanallah. Donc il est à craindre pour ces personnes. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. فَأَخْبَرَ أَنَّهُ جَعَلَهُمْ غَيْرًا لِلْكَافِرِينَ. Donc que ceux qui vont avoir une rancœur, un dégoût des compagnons, Allah nous dit, ceux qui ont ce problème-là, ce sont des mécréants. Ce sont les mécréants qui l'ont. Intaha. Ici s'arrête la parole de l'imam Ismaili, rahimahullah. On va s'arrêter là, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.